On va parler maintenant de. On va parler de la Ligue du Lac au Fleuve. C'est la série qui. Les séries qui sont en cours. On parle avec le directeur général de la Ligue, Mathieu Caron. Salut Mathieu. Okay, ben. Mathieu, on va commencer évidemment par la série qui la série qu'on suit plus parce qu'on est à Dolbeau Mississinée. Le multi-concessionnaire contre l'équipe de la Haute-Côte-Nord, c'est 2-0 pour le multi. Effectivement, deux matchs s'est joués la semaine passée. Donc un match s'est joué samedi soir et l'autre match dimanche après-midi. Donc les multi-concessionnaires ont pris pas mal les devants là, dans cette série-là. Le premier match a terminé 8-4 pour eux et pour le deuxième match le dimanche a fini 8-2. Donc c'est quand même une bonne série, ça joue quand même bien au hockey. On est un peu dans l'émotion, mais ça va quand même bien ce côté-là. Fait que là les deux équipes se raffrontent samedi soir prochain et dimanche après-midi. Donc est-ce que Haute-Côte-Nord vont essayer de remonter la pente? Ça va être à suivre. De avoir un meilleur alignement aussi là en fin de semaine. Le François était pas présent du côté de Haute-Côte-Nord parce que sa blonde accouchait là samedi. Donc ça a été une petite faiblesse pour Haute-Côte-Nord. Mais il sera vraiment là en fin de semaine prochaine. Donc ça va avoir une bonne série là, de ce côté-là. OK, donc du côté, l'objectif du côté du multi, c'est d'aller en chez une là-bas, j'imagine? Ouais, je crois. C'est sûr que l'affiche au niveau de contre le multiconcessionnaire au Côte-Nord, je veux dire, c'est similaire soit tant local que visiteur. Donc j'ai pas vraiment de prédiction à prévoir de ce côté-là. Ça va dépendre du match en tant que tel. OK. Si on y allait maintenant avec l'autre série, ça a brossé un petit peu plus, hein. L'autre série, il y a eu des suspensions, mais ça. Ben effectivement, du côté de Jonquière contre Charlevoix, c'est la série qui a fait upgrader un peu notre niveau de hockey. On se cachera pas que que le premier match a surpris tout le monde de côté niveau hockey. Jonquière ont dominé le match devant le soir passé là en menant 2-1 là jusqu'à la 5e minute de la 3e période. Et par la suite là c'est mené juste une petite minute là, il y a une minute de trop, on pourrait dire que là ça a permis à Charlevoix de prendre les devants 3-2 puis de gagner ce match là. C'est un match justement parce que ça patine, que il y a beaucoup il y a un peu de robustesse, c'est intense tout le long des bandes, mais tu sais c'est vraiment du vrai hockey senior là qu'on peut voir. Okay. Pour le match de dimanche passé, là effectivement là, ça a été un peu plus indiscipliné, on va dire un peu de chaque côté. Là on sait que Éric Maynard a eu trois matchs de suspension pour un coup avec son bâton à la tête du joueur Simon Gervais. Donc ça a été trois matchs de suspension qui a été décerné à Marinov. Sinon là c'est sûr que là, on dit Jonquière ils ont dominé, sauf que Charlevoix ont quand même marqué plusieurs fois en avantage numérique, ce qui fait qu'ils ont gagné le match 4-1 à ce niveau-là. Okay. Donc pour eux autres, ils se rencontrent vendredi soir prochain. La partie n'aura pas lieu au pavillon elle va avoir lieu à Kenogami pour exceptionnellement. Donc on devrait avoir une bonne ambiance dans cette arène-là. On devrait avoir aussi encore du bon hockey, puis ça devrait être bien à ce niveau-là. Puis ça réaffronte samedi soir prochain, mais là, ça va être de retour au foyer de loisirs. OK, donc on va surveiller ça de très très près. Mathieu, es-tu là? Oui, j'ai un petit peu informatique, excuse-moi. L'assistance, semble-t-il, était bonne, hein? Oui, j'ai pas les chiffres officiels là à ce niveau-là, mais je pense qu'on a eu quasiment au-dessus de 500 personnes les deux jours à Charlevoix, puis toujours à Dolbeau, c'est pas surprenant là. On a roulé, je pense, à peu près estimer à 800, minimum 600 personnes qui étaient présentes. On parle pour Dolbeau de 600 personnes le samedi soir et un petit peu moins le dimanche après-midi, par contre. Il y a une centaine de personnes de moins, c'est ce qu'on me rapporte. OK, mais c'est quand même très bien pareil. Là, ben oui. Les postes, vraiment, là, l'assistance est là. Je peux vous dire que quelqu'un but est marqué par le monsieur concessionnaire, là, le, C'est intense, l'encouragement que les partisans ont pour leur équipe. Là. Puis je vous dis que le côté Charlebois, là, c'est aussi très très intense. Le troisième but dans le passé qui a fait de l'avant 3-2. Si toi pouvais lever, là, il aurait pu lever. Oui, effectivement. Donc, on se parle, Mathieu, en fin de semaine, donc les deux matchs, et on va peut-être avoir des séries terminées, fait qu'on se reparle à quelque part la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Mathieu Garon, le directeur général de la Ligue du Lac-aux-Fleurs.